Pour moi, la courbe est de plus en plus plate au démarrage, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'exclus. Ensuite, il y a une partie raide, ascendante, de plus en plus verticale et de plus en plus haute. Et puis au sommet, là, la partie plate est de plus en plus limitée. Voilà. Donc voilà, une réduction des classes moyennes. Voilà une quantité d'exclus exponentielle et des élus entre guillemets ou élites ou que sais-je, enfin qui sont de plus en plus limitées et puissantes. Donc forcément, socialement, ça tient pas debout, c'est pas tenable, ça crée forcément des situations de stress énormes, stress social, politique, des dangers. Et à mon sens, probablement, un stress de l'espèce comparable à celui qu'ont vécu les premiers hominidés avec l'éruption des armes. C'est ça l'hypothèse. Et tout comme pour vaincre ce stress de l'espèce, la stratégie a été d'inventer le langage pour désigner dans l'environnement les dangers, etc., s'organiser socialement pour survivre. Eh bien, je pense que là, on est dans une période où on va inventer des stratégies pour survivre. Voilà. Et ça se passe de tous les côtés. Tout le monde invente sa monnaie, son truc, son bidule pour trouver des solutions à toutes les échelles locales ou autres. Il faut s'en sortir. Revenir à une courbe de disparité sociale tenable, quoi. Pas un truc qui met les trois quarts de l'humanité à la poubelle. C'est quand même ça le problème. Et la planète Et la avec. planète avec.